soir, nous vous invitons à écouter ce soir la deuxième scène ouverte qui s'est déroulée le 25 janvier dernier au café 3ème Rive, café associatif, ailleurs, et qui faisait suite à la première scène ouverte du 22 décembre avec le même succès, 70 personnes environ, dont plus de la moitié ont lu des textes, poèmes, slams, contes, et un foisonnement de nouveaux talents littéraires à Épinal et venant aussi de toutes les Vosges. Et puis, nous vous annonçons de ce fait le troisième café déclame qui se déroulera le 23 février, jeudi 23 février, toujours à 3ème Rive, 15 rue du Maréchal Lyoté. Alors venez, apportez vos textes. Si vous voulez déclamer un texte, un conte, de la poésie, du slam, vous laissez votre prenom et le mettre dans le petit chapeau qui est ici. Et nous allons tirer au hasard et après vous allez pouvoir venir déclamer bien joyeusement vos textes. Merci. Est-ce que tout le monde entend bien ? On entend bien au fond ? Super. Bonsoir à tous. Bienvenue à tous. J'espère que tous ceux qui ont mangé ici ont bien mangé. On n'entend pas ? Ok. On va monter un peu. Est-ce que là, c'est bon ? Flo, on ne peut pas faire plus. Je ne crois pas. On m'entend là. Florian, est-ce qu'on m'entend ? Ok. Ah, mais là, ça va. Non, ça la recèle un peu. C'est trop. Eh bien, il faudra être très silencieux pour bien en écouter les mots des uns et des autres. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette soirée, qui donnent un coup de main, et voilà. Et nous allons commencer les déclamations. Donc j'espère que tous ceux qui veulent nous partager un texte ont mis leur nom sur un petit papier dans ce chapeau. Et Guillaume, tu as déjà... Donc notre premier slammer, poète, conteur, c'est Benji. Benji, applaudissons-le bien fort, c'est le premier, il démarre la soirée. Bravo, mais c'est pas moi. C'est pas toi ? T'as pas mis ton nom sur un papier ? Ah si, c'est bien. Si, c'est toi ? Ah là, voilà, c'est toi. J'avais déjà oublié. Ben, Antoine Miron. Merci. C'est très dur de commencer comme ça. Pour quelqu'un qui n'a rien préparé, il va falloir se lamer. Alors, l'imagination doit jouer, à ce qui paraît. Je suis entouré de mes amis préférés, qui sont William et puis Léa. Donc, il va falloir performer. Donc, merci pour votre tolérance, pour m'aider à ouvrir cette soirée. Bonne soirée à vous tous. Bon, mais bonne mise en bouche, ça donne faim du coup. On se dit, tiens, c'est quoi la suite ? Merci Ben. Donc Ben nous a fait le petit appetizer, la petite mise en bouche pour laisser place ensuite à Lise. Lise avec un Y. Oui. On encourage bien Lise. Bonsoir à tous, à toutes, à tous, à toutes. Je viens de Boulogne-sur-Mer. J'ai écrit des poèmes, j'ai écrit pas mal de poèmes de 2003-2010. Je suis agricultrice en fait. Et j'avais très peu de temps, mais j'avais mon papier dans la poche et j'écrivais n'importe où. Voilà. Mais bon, voilà, j'ai quand même lire parce que je n'ai pas forcément en tête. Ça ne vous dérange pas. Voilà. Et je défends aussi la paix avec la colombe, là, un peu partout en France. C'est pour ça que je rencontre plein de groupes, plein de collectifs, et pour semer ce message de paix, la colombe de l'espoir et de la liberté aussi. On en a besoin, partout. Donc voilà, c'est un message important aussi. Je vous remercie. Alors je cherche. J'étais en train de chercher justement le. Parce que j'ai le. Voilà, j'arrive. Excusez-moi. Alors. L'amitié, ça vous dit ? Allez. Alors, l'amitié. L'homme ne conçoit pas la vie sans amour. Pourtant, certains ne le trouvent pas toujours. Mais l'amitié peut rayonner une telle intensité aussi, qui occupe une place indispensable dans notre vie. Elle peut se multiplier au gré des opportunités. Et se bâtir sur la découverte de l'être rencontré. Mais si on ne parle que de banalité, on ne connaît pas les gens vraiment. Alors que l'amitié, la vraie, se forge sur la confiance, les confidences, elle recueille aussi la souffrance. Elle trouve toujours une porte ouverte, un cœur pour écouter, une main tendue, une épaule pour pleurer, pour réconforter. Elle ne tient pas compte de l'âge, gomme les différences. Elle cherche à comprendre et ne s'arrête pas aux apparences. Elle traverse épreuves et tempêtes. Elle en ressort plus belle. Encore et avec le temps, elle devient même fraternelle. Réunie dans nos diversités, bannie le temps du chacun pour soi. Quel bonheur enfin de vivre et partager nos joies. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Lise, pour ce petit message. Alors, la prochaine conteuse poétesse nous vient du sud-ouest, c'est Sylvie. Sud-Ouest des Vosges. Hein. Bonsoir à tous. Donc, vous étiez déjà venus la première fois, c'était le solstice, le 21 décembre. Et là, je me suis dit, bon, je vais écrire un petit truc. Et quand j'écris, moi c'est en 5 minutes, donc j'ai écrit quelque chose en 5 minutes, voilà, sur 2023. Alors, 2023, tu es arrivé à grands pas. Tes lunettes sont sur ta tête. Ouais. Quelques chiffres que l'on additionne et voyons ce que cela donne. 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. Une année à en faire qu'à sa tête, au milieu des différents aléas qui causent parfois du tracas. Cheminons sur nos sillons sans chercher à gagner des millions. Seule la richesse du temps nous permet de nous sentir enfants. Au cœur de la nature, c'est ainsi que la vie perdure. Au rythme de tes saisons, nous pouvons avoir tout à foison. 4 petits chiffres. Et nous sommes si nombreux. Toutes ces différences forment nos ressemblances. Année du lapin d'eau, qui va piano va sano, sans pour autant être ennuyante, profitons pour qu'elle soit éclatante. Prendre du recul dès que possible pour cette année 7 assez flexible. Croire en ce chiffre porte-bonheur, symbolisme de nombreuses valeurs. 7 comme les 7 péchés capitaux, les 7 jours de la semaine, le 7e ciel, les 7 merveilles du monde, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 chakras, Blanche-Neige et les 7 nains. Un petit peu d'humour. 7 petits tours et puis s'en vont vers l'acrostiche 7, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc S-E-P-T, le mot écrit à la verticale. Salut à vous tous, encore merci d'être là pour nous écouter tous, triturer les mots à tout va. Bravo. Bravo. Et notre prochaine oratrice, c'est Mathilde. Ah, Mathilde, oui. Mathilde, où es-tu, Mathilde? Ah. Alors du coup, c'est un petit texte que j'ai écrit, donc moi je fais beaucoup dans les textes courts, donc là j'ai un peu juxtaposé des fragments. On va voir ce que ça donne. Alors, c'est l'hiver et la boue gelée craque sous mes pieds. La neige fond et tombe des arbres. Les voisins se disputent. Je suis fatiguée. Je ferme le livre seul dans mon salon froid. Les jacinthes ne fleurissent qu'une fois. J'attends le printemps. Enfin je pourrai voir et tout ne sera plus gris. Je regarde par ma fenêtre, la nuit est tombée, majestueuse, et je me remémore des pans entiers de ma vie décousue. Les voyages en train, paysages morcelés, défilant à la fenêtre, à peine regardés. Un baiser, aussi intense que bref, chacun revenant vite à ses propres pensées, ses soucis et sa vie. Un souvenir d'enfance, saisissant de beauté, Madeleine oubliée dans sa pénible vérité. Une grosse larme, de celle qui roule, directement du cœur au sol. Lui au piano, dans la nuit calme, et moi levée, derrière son dos, transportée, je me taisais. Et les parasols qui ne font plus l'affaire, sous le poids de la grêle des giboulées de mars. L'ancienne chambre fermée et l'écharpe crème sur un manteau noir me font penser à ma tristesse. Et puis l'ylang-ylang et son odeur sucrée, un grand champ de glaïeul et la bière renversée. Demain se lève dans un quart d'heure et les images du passé reviennent se poser en rafale sur mes idées. Le temps d'un coup a suspendu son envol effrayant. C'est beau et terrible en même temps. Merci Mathilde. Eh bien, la prochaine poétesse nous vient de Catalogna. Et Christina. J'ai rien écrit, c'est un poème d'un poète espagnol, Antonio Machado. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle espagnol, qui pourrait traduire en même temps? Bon, mais je vous... Si, Louis, allez bien, allez bien, Louis. Un professeur, mais que des connards. J'en suis pas. Est-ce que tu connais le... Caminante no hay camino, son tus huellas al andar, al andar se hace camino. Súper complicado para traducir. Bueno, si quieres traducir un poquito al menos mientras yo... Si quieres puedo probar también. Caminante no hay camino, son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. No. Bueno, pues a la deja yo traduzco. En fait, ça parle de d'une personne qui chemine, c'est le poète, et qu'on ne doit pas regarder en arrière quand on chemine, parce que le chemin, c'est qu'on a devant et ce qu'on a fait déjà. Donc on doit faire ce qu'on a devant à faire, c'est mais derrière fait. C'est le chemin qu'on a déjà fait. Ça continue. C'est Juliette Armanet. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Oh, je me souviens pas. Hace algún tiempo en este lugar donde los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. La chanson c'est de Juan Manuel Serrat. Eh bien, dis donc, ce soir, nous avons beaucoup, beaucoup de femmes qui prennent la parole, c'est merveilleux. Où sont les hommes? Eh bien, ils ne sont toujours pas là, puisque notre prochaine intervenante est une intervenante, et c'est Christine. On applaudit bien pour Christine. Eh bien, je vais vous raconter une petite histoire d'après Barbara, Constantine et puis Paulette, que des filles encore. Mais ça parle de Ferdinand qui vit seul dans sa ferme et ça ne le rend pas franchement joyeux. Un jour, il passe chez Marceline, sa voisine, et découvre que son toit est sur le point de s'effondrer. Bah, très naturellement, ses petits-fils, les Lulu, lui suggèrent de l'inviter à la ferme. L'idée de le fait sourire, mais ce n'est pas si simple. Certaines choses se font, d'autres pas. Il finit tout de même par aller la chercher. Et de fil en aiguille, la ferme va se remplir, s'agiter, recommencer à fonctionner. Un ami d'enfance devenu veuve, deux très vieilles dames affolées, des étudiants un peu paumés, et un amour naissant des animaux, et puis Paulette. Alors vous pourrez lire le livre, je le laisserai là. Je vais vous lire un extrait. Puis je crois qu'il y a quelqu'un aussi qui vous lira une suite tout à l'heure. Alors, les Lulu à la ferme. Ferdinand téléphone. Allô Mireille? Alors, est-ce que tu es sûre de n'avoir rien perdu aujourd'hui? Non, ce n'est pas une devinette. Bon, d'accord, je t'explique. Ludovic et Lucien viennent d'arriver à la ferme avec leur vélo. Et ils vont bien. Et je pensais leur préparer des crêpes pour le goût. Il écarte le téléphone le temps du cri. Puis, en vélo, oui, oui. C'est la voisine, Madame Marceline, qui les a trouvés sur la route en revenant du marché. Un peu fatiguée, c'est tout. Bien sûr que je leur ai passé un savon et ils ont promis de ne plus recommencer. Je peux les ramener après le goûter, mais ça finit tard les banquets, non ? 1h du matin, 2h, mes pauvres enfants, vous allez être crevés. Et si j'étais toi, je... Mais c'est normal d'être énervé, Mireille, je comprends. Tu as raison, je pense aussi que c'est mieux. D'accord, Mireille. Ne t'inquiète pas, on va se débrouiller. À demain, alors. Oui. Après déjeuner, bonne soirée. Il a raccroché. Et les deux Lulu se sont jetés à son cou, ont sauté partout comme des cabris. Le petit chamallow a eu très peur, il est parti se cacher sous le lit. Ça leur a pris longtemps avant d'arriver à le faire sortir. Et presque tout le restant de poulet rôti aussi. Ah, Ferdinand a dû changer le menu du dîner. Ils ont voté pour des spaghettis à l'unanimité. pour les découvertes littéraires. Ah. Et notre prochain orateur est un orateur. Et c'est Raphaël. Alors, je suis un petit peu fatigué, moi je suis en train de jeûner. Donc, je voudrais vous chanter une chanson. Je ne suis pas chanteur déjà à la base, mais ça ne sera pas juste. Mais pour m'échauffer, j'aimerais faire un petit poème, si vous le permettez, avant. Donc, de Guillaume Apollinaire. Jeune homme de 30 ans, qui a vu des choses si affreuses. Que penses-tu des hommes de ton enfance? Tu connais la bravoure et la ruse de ne fuir ni la chance ni la souffrance. Tu as vu la mort en face plus de 100 fois. Tu ne sais pas ce qu'est que la vie. Transmets ton intrépidité à ceux qui viendront après toi. Jeune homme, tu es courageux. Ton âme est rouge aussi, de foi. Tu as digéré la vie de ceux qui sont morts près de toi. Tu as de la décision, dis cet automne et tu saurais mourir, sinon mieux que tes aînés, du moins plus pieusement, car tu connais mieux l'amour de la vie. Alors ça, c'était Guillaume Apollinaire. Et je voudrais du coup terminer sur une chanson de Damien Saez. Comme un éclat de rire vient consoler tristesse, comme un souffle à venir vient raviver les braises, comme un parfum de soufre qui fait naître la flamme. Jeunesse, lève-toi contre la vie qui va, qui vient et qui s'éteint. Contre l'amour qu'on prend, qu'on tient et qui tient pas. Contre la trace qui s'efface derrière soi. Jeunesse, lève-toi. Moi, contre ton épaule, je repars à la lutte. Contre les gravités qui nous mènent à la chute. Pour faire du bruit encore, à réveiller les morts. Pour redonner éclat à l'émeraude en toi. Pour rendre au crépuscule la beauté des aurores. Dis-moi qu'on brûle encore, dis-moi que brûle encore cet espoir que tu tiens, parce que tu n'en sais rien de la fougue et du feu que je vois dans tes yeux. Jeunesse, lève-toi. Ouais, j'ai courté un peu parce qu'elle est plus longue. Bravo. Merci beaucoup pour ce poème de ce nouveau poète que je ne connaissais pas, pardon, et pour la petite chanson, très sympathique. Merci beaucoup à toi. Et c'est de nouveau une poétesse que nous accueillons, poétesse, slameuse, conteuse, Marie, qui est Marie. Ouais, Marie. Sans micro. Donc c'est pas de moi, c'est un slam chanson de Limas. Il y a des jours comme ça, où quoi que l'on essaie, il y a comme un caillou qui est coincé là, qui veut pas bouger. Moi, mon caillou me dit, avec une voix méchante, que je suis aussi conne que je suis lente, que pour moi, c'est fini. Hey, caillou, ramène pas ta gueule, caillou. Moi, je connais les cailloux. Tout ce que ça fait, c'est que ça caillouette. Tout ça, c'est pas grave. La vie, c'est pas grave. Faut pas prendre la vie au sérieux, faut pas. Tout ça, c'est pas grave. Aujourd'hui, t'en chies, demain, ça ira mieux. So-da-dum-da-dum-di-di-di-di-di. So-da-la-ya. Il y a des jours comme ça, nanan, derrière de quoi que l'on ne sait pas, dadadoudoumdera. Il y a comme un caillou qui est coincé là, qui veut pas bouger. Moi, mon caillou m'a dit avec une voix méchante que je suis aussi conne que je suis lente, que pour moi c'est fini. Hey, caillou. Si tu te sens seul, caillou, je danserai avec toi, caillou. Et ça me fera un drôle de mouvement de hanche, et ce sera pas grave. Tout ça, c'est pas grave. Faut pas prendre la vie au sérieux, faut pas. Tout ça, c'est pas grave. Aujourd'hui t'en chies, demain ça ira mieux. Demain, demain, demain, demain ça ira mieux. Ah, tu m'étonnes, faut le faire. Merci beaucoup Marie pour ce merveilleux moment. Et notre prochain orateur, c'est Ectemal. Ectemal ? Ah, oratrice, pardon. Pardon, pardon. Bonsoir. Je vais préparer quelque chose pour parler. En fait, moi, j'arrive pas à parler bien le français. D'abord, je suis syrienne. Je préfère chanter en chanson, si vous voulez. Oui, oui, oui. Ouais. We've heard the words the secret girl, the David play and please the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the four, the fifth, the 94 and the major leaf, the painful king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Quelle musique, quelle la cure de cœur. Des bijoux pour plaire au Seigneur, et mélodie fantastique, tu nous coûtes pas. Le bien nous chante un dos majeur, le roi de jeu, David pleure, et complice Bimaïa. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Fi laylatin min al-layl, lastu adri ma tarani, dhulmatun taghmuruni ya Rab. الأرض ضاقت والسماء قلبي ما رفض ضياء والدمع بات يجري يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي Le prochain poète nous vient des Hauts-de-Vosges, de Bussan, me semble-t-il. Et c'est Vincent. El Presidente. De vous voir, vous, ainsi, à l'écriture vive, c'est la joie, le soleil, l'écriture ravive, qui ravit les neurones en couronne lancée. Flamme de soleil, mots et mots, sillon en braise, par le parcours vibré des scintilles oraises, ont qui percute à fond les tempes de la tête, comme des flots de beau en tourbillon de fête. Clameur d'ici, d'ailleurs, l'ailleurs est en nous présent, de fraternité partagée, intense, intense, car le verbe prend sexe, comme l'a dit Ferré, dans la clameur lancée, dans la voix balancée. Hello, tu es là? Et Rimbaud, t'es pas mort? L'océan de la vie vibrait de notre corps, de votre corps, de chasse, d'infini à l'oreille des ultimes, espérances qui crient et qui font voir un peu, beaucoup passionnément, à l'horizon d'un champ, ce que l'homme a cru voir, quelquefois, et toujours. Plus jamais, et plus jamais, la solitude, la solitude, la solitude, la solitude n'existera. La solitude est éclatée par l'échange des cœurs, le vrai, le libre échange, où à peine, un peu, où ça se trouve, ou si ça se trouve. Cimetière de l'éther, cime fière de l'alter, nité, athée, comme un soleil courant, en 100 soleils, 1000 soleils, 1000 milliards, là-haut, là-bas, en haut et en bas, qui bat. Et l'an 10 000, l'an 10 000. Oui, et bien plus. J'irai revoir mon Arcadie, c'est le pays qui m'a donné le jour. Arcadie, dis-moi donc, oncle, où tu es? Si là-bas, va voir là-bas si j'y suis. Alors, avant d'appeler notre prochain orateur, merci Vincent, qui est donc le président de l'UEV, l'Union des écrivains vosgiens, qui est l'association qui chapeaute l'atelier d'écriture qui a lieu tous les jeudis soirs ici même, dans une autre salle qui est à côté. Donc voilà, donc, et c'est à travers cet atelier d'écriture que c'est monté l'idée de faire des soirées comme ça d'oralité après que certains de notre groupe d'écriture soient allés à Nancy voir les scènes ouvertes de slam qui se font à Nancy depuis plusieurs années. Et voilà, donc on a eu ensuite l'idée de le faire ici à Épinal. Et donc ces ateliers d'écriture ont lieu ici tous les jeudis soirs de 19h30 à 22h. Donc voilà, vous êtes les bienvenus si vous voulez écrire et partager aussi les textes en petit groupe avec nous. Voilà. Et notre prochain intervenant, c'est Sébastien. Sébastien. Très stressé d'être devant un public, mais ça me rappelle que les croyances limitantes peuvent être traversées avec un peu d'amour et d'envie. Oui. Donc ça, c'est un texte que j'ai écrit il y a quelques temps, parce que j'aime écrire dans mon temps perdu, qui est par ici. L'union physique 1 plus 1 est égal à 2. C'est la séparation d'un tout, la création d'un rien, deux êtres à l'apparence contraire et opposée, C'est la respiration d'une vie, l'union d'un cœur, la création d'un souffle puissant, fort et composé. C'est un brin de folie, une perle de magie, la rencontre d'un instant, le silence du néant. C'est le cauchemar d'être séparé ou égaré, puis le rêve d'être retrouvé pour de nouveau s'aimer. Oui, s'aimer un peu plus fort, oui, s'aimer un peu plus vrai. C'est le premier pas vers l'autre, la première marche vers l'infini, vers la rencontre d'un autre un, pour finalement s'unir dans la réalisation du un. Pour un temps peut-être, relativement court sûrement, mais le reflet est bien là, sans détour possible, contenu dans une égalité sans faille, sans aucun destin à accomplir. C'est l'équilibre, l'harmonie, le consentement mutuel désiré par toutes les âmes. C'est l'une des rares occasions où peut-être sûrement la raison, la petite voix ou l'émotion ne sont ni écoutées ni même appréhendées. À quoi bon d'ailleurs, car je suis nu face à l'autre. À quoi bon d'ailleurs, car je suis nu face à Dieu. C'est l'union charnelle, l'union fusionnelle partagée et vécue dans la majesté du triangle d'or. C'est le charme des délices du printemps, le déclin des chutes de l'hiver, c'est l'inspiration d'un tout et l'expiration d'un rien. C'est l'ultime, oui, l'ultime paradoxe universel contenu dans un instant suprêmement bon, où toutes les choses sont égales, où toutes les choses nous sont égales. La logique est que 1 plus 1 est égal à 2, mais ici, c'est l'une des rares occasions où la logique est transcendée et où il nous est possible d'énoncer bien fort ou bien haut 1 plus 1 est égal à 1, l'unisson des deux polarités. Et c'est peut-être plus rare encore, cette ultime unité, cette ultime vérité, celle qui dépasse la raison, celle qui retire notre toison, celle qui élève notre conscience au-delà de cette dernière barrière, au-delà de ce dernier champ de bataille, venant du tréfonds de notre être, venant du plus profond de notre cœur. Voici composée la dernière note avant l'heure. 1 plus 1 est égal à 0. La sublime et parfaite unité de l'être avant que l'un puisse naître. La prochaine oratrice est une conteuse, peut-être aussi poète et slameuse. C'est Messa. Marionnettiste aussi et écrivaine publique. Alors moi j'écris depuis 24 juin 1977. Quelle heure ? Il était 23h30. D'accord. J'ai écrit Détresse. Et ce soir, je ne vais pas vous dire Détresse, je vais vous dire un autre texte. Que rare est l'oxygène quand on est à la peine. Que le ciel est d'en bas quand je ne t'entends pas. Que dansent ces nuages tout autour de ma cage et puis tous ces barreaux. Pourquoi sont-ils si hauts ? Je suis comme un prisonnier qui voudrait s'évader. Je suis comme un hors-la-loi qui voudrait être roi. Je suis ce cœur rebelle aux mots parfois cruels, mais qui voudrait sans fin tenir une autre main. Y aura-t-il un cœur ? Y aura-t-il une heure ? Y aura-t-il des yeux ? Y aura-t-il nous deux ? Y aura-t-il quelqu'un ? Qui aura la puissance d'arrêter ma souffrance ? Y aura-t-il des yeux ? Y aura-t-il nous deux ? Y aura-t-il quelqu'un pour m'offrir ce festin dont j'ai toujours eu faim ? J'ai faim d'amour. Chacun des jours, j'ai faim demain, j'ai faim de plein, j'ai rien que faim, j'ai faim ma faim, j'avais trop faim de toi et moi, repas de roi. J'ai faim de tout, tout devient flou, mais je m'en fous. J'ai dit ma faim, c'était pas faim, aurais-je faim jusqu'à ma faim. La prochaine poétesse nous vient du Schnorr, et Ch'timi, elle vient de Villeneuve-d'Ascq, Amel. Elle veut nous interpréter les corons de Bachelet. Pas jugé. Oh non, c'était les poètes. Facile, là, je crois. Avec des turbans. Bon, ça, alors je l'ai écrit ce soir, c'est pas parfait, c'est perfectible, je vais le lire du coup. Je dirai le titre après. Quand arrive la saison d'automne, les gourmands cueillent cèpes et bolets. C'est en vrac et par tonne qu'ils en emplissent leur panier. Moi je fais une prière sous les sapins et bouleaux pour que tes blancs et rouges chapeaux m'apparaissent en rond de sorcière. Mortelle et vénéneuse, calomnie honteuse, champignon psychédélique, décrit comme dangereux poison, chamanique chaudron, accusé de diabolique potion. Tes pouvoirs magiques, ils ont voulu nous cacher, malheur à celles et ceux qui te goûteraient. Ils voulaient qu'on t'oublie, mais nous t'avons retrouvé. Et comme une amie de toujours, nous t'avons adoptée. Certes, crue et fraîche, tu nous fais gerber nos tripes, mais séchée, tu nous propulses dans de sacrées tripes. Quand macères tes lamelles dans un vin chaud à la cannelle, et que dans l'alcool diffuse ton mucimol, il aiguise nos sens et nos émotions, fait hurler les couleurs et nous donne des visions. Cher des dieux, cerveau de la forêt, tu nous ouvres les pensées des arbres et des cieux. Holistique fractal, l'univers que tu nous expliques en un poème d'étoiles, tapissons le plafond de notre dôme géodélique. Merci beaucoup pour la petite onomatopée vosgienne que nous pouvons trouver tous les automnes, rouge à pois blanc, à consommer avec modération. Mais qui donne beaucoup d'imagination et de muse inspiratrice parmi nos forêts. Le prochain poète est Stéphane. Yeah. Yeah. Yeah. C'est de la lecture. Je pouvais être très poète. Je te laisse Un bout de 30 secondes. Donc c'est dans la suite de Christine, Barbara, Constantine et puis Paulette. Chapitre 67, samedi soir, pleine lune. Assis côte à côte sur le banc, Ferdinand et Marceline comptent les étoiles. Ou plutôt ils essayent. Mais bien sûr, c'est impossible, il y en a trop. Le fond de l'air est frais. Marceline se rapproche. Il ferme les yeux et, en même temps, intimidé. Un quart d'heure plus tard, elle penche la tête sur son épaule et s'y appuie très légèrement. C'est la première fois. Il frissonne, elle aussi. Il ne bouge plus du tout, respire à peine. Mais ça s'arrête là. Parce que Kim, en caleçon, ouvre la porte de chez lui à la volée. Il sursaute et court vers eux, affolé. Muriel s'est enfermée dans la salle de bain, je crois qu'elle est malade, ça fait une heure qu'elle pleure. Il fonce. Marceline parle à travers la porte. Qu'est-ce qu'il se passe, Muriel? Ça ne va pas. J'ai mal. Ouvre la porte. Je ne peux pas. Essaye, s'il te plaît. Je ne peux pas bouger, j'ai trop mal au dos. En faisant glisser la lame de couteau le long du champ branle, Kim réussit à soulever le crochet. Pousse la porte. Muriel est affalée dans le bac de douche. Marceline s'accroupit, la prend dans ses bras, la berce, lui demande où est la malle. Fébrile, Muriel attrape sa main, la pose sur son ventre. Il est dur comme une pierre. Marceline a un mouvement de recul. Muriel s'affole. Je vais mourir, c'est ça? Non, bien sûr que non, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu n'en as pas parlé avant? Parler de quoi, Marceline? Parler de quoi? Une nouvelle contraction lui arrache un long gémissement. Il monte, s'amplifie, finit dans un cri. Marceline la serre dans ses bras. « T'inquiète pas, ma douce, ma toute belle, ça va aller. On va faire venir une sage-femme ou un médecin. Ils vont t'aider. » Muriel se tourne vers elle, hébétée. Son regard reflète une totale incrédulité, et Marceline comprend qu'elle découvre elle aussi, seulement à cette seconde, ce qui est en train de lui arriver. Elle caresse son visage. Pauvre petite puce. Elle va chercher Kim et Ferdinand, il l'aide à la transporter jusqu'à sa chambre. Elle l'installe sur le lit, lui cale le dos avec des oreillers, ressort, demande aux deux hommes de trouver quelqu'un, un médecin ou une sage-femme. Vite, ils n'ont pas l'air de comprendre ce qu'elle dit. Marceline les supplie de se dépêcher, c'est urgent. Kim et Ferdinand, inquiets, retournent dans l'autre aile de la maison pour téléphoner. À mi-chemin, Kim se rappelle que la tante de Suzanne est sage-femme. Il part en courant chercher son portable dans sa chambre. Il est 1h du matin. Marceline caresse la tête de Muriel, lui parle doucement dans le creux de l'oreille. « Ça va, ma petite fille. Ne t'inquiète pas. Kim a téléphoné. La sage-femme va t'arriver. » Mais à ce stade, Muriel souffre depuis des heures. C'est trop long. Elle voudrait que ça s'arrête maintenant, tout de suite. Elle a tellement crié qu'elle n'a plus la force de prononcer un seul mot. Elle ne peut que balancer sa tête de droite à gauche. La seule chose qu'elle arrive encore à exprimer. Non, non, non. Et le temps passe. Et les contractions se succèdent. Inlassablement, la ravage. Puis, il y en a une plus douloureuse que les autres, qui lui arrache les entrailles. Le sommet de la tête du bébé apparaît. Marceline sait qu'il ne faut plus attendre. Ma petite Muriel, on va l'aider à sortir. Écoute-moi, je te dirai quand pousser, d'accord ? C'est bien, inspire. Vas-y maintenant, pousse. Oui, oui, oui. C'est bien. Encore une fois, pousse. Encore, encore, encore. Ça y est presque. Encore plus fort. Voilà, sa tête est sortie. Tu as fait le plus difficile. Une dernière fois. Ça y est, il est là. Tu as réussi. Bienvenue, petit ange. Muriel, c'est une fille. Marceline est émue. Elle couvre le bébé avec un drap pour qu'il n'ait plus froid, se penche pour la poser dans les bras de Muriel, mais celle-ci se détourne. Elle ne veut ni regarder ni toucher. Marceline a très envie de pleurer, mais elle se retient. Il est 2h du matin. Guy et Kim sont postés sur le bord de la route, juste avant la patte d'oie. Ils ont chacun une lampe de poche à la main. La voiture de la sage-femme arrive. Ils font de grands moulinets avec leurs bras, lui indiquent le chemin à prendre pour rejoindre la maison. Dans la cour, Ferdinand prend le relais, ouvre la porte, la fait entrer. Elle est gaie, ses gestes sont vifs et précis. Marceline est soulagée. Marie explique qu'elle a fait aussi vite qu'elle a pu, mais que quand elle a reçu l'appel, elle était encore en salle d'accouchement. Les bébés arrivent souvent les nuits de pleine lune, et en fin de semaine. Aussi, c'est comme ça. Elle ausculte l'enfant, coupe le cordon, le ligature, s'occupe de Muriel, vérifie qu'elle a tout expulsé, pose des questions sur la façon dont les choses se sont déroulées, félicite tout le monde d'avoir si bien travaillé. Mais elle comprend qu'il y a un problème. Muriel n'a pas un regard vers le bébé, même quand il commence à pleurer. Alors Marceline s'approche, caresse la main de Muriel, se penche à son oreille, lui demande à voix basse si elle veut parler de ce qu'il se passe ou si elle préfère la laisser commencer. Elle préfère. Les deux femmes quittent la chambre avec l'enfant. Muriel tourne la tête vers le mur et se met à pleurer doucement. Bienvenue, nous arrivons. La prochaine poétesse est Mickey. Tout à l'heure, nous parlions des ateliers d'écriture. Je vais vous lire un texte issu de la fantaisie d'un atelier d'écriture. Toi, l'insecte charmeur aux ailes dorées, qui grimpe, grimpe sur la toison du bison géant. Où te mène cette escapade lucide ? Du haut de ce crâne chevelu, ton regard repère la cité ouvrière des fourmis du ciel. Façonnant des murs de sable, tels des châteaux d'enfants aux grains mouillés salés. Haute tour de dentelle ouvragée est sacrée, la ville aux mille éclats scintille, familière. Un dôme de cristal surplombe les murailles enchantées et légères où la poétesse prophétesse déclame la fleur de son art. Ô toi, l'insecte charmeur aux ailes dorées, grimpe, grimpe, me retrouver et vois où te mène ton escapade lucide. Merci Mickey. En plus, c'est très bien, ça présente un petit peu ce qui peut ressortir des ateliers d'écriture, des moments de création où on se donne souvent un thème ou un petit exercice et voilà. Et ça donne des petits textes comme ça. Une prochaine d'ailleurs qui fait partie aussi depuis quelques semaines qui vient à l'atelier d'écriture. Donc notre prochaine oratrice, c'est Enola. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais vous lire un petit texte qui va vous faire voyager un peu dans ma tête et dans mes rêves. Ça s'appelle « L'insoutenable étrangeté du rêve ». L'imaginaire voudrait que, d'ordinaire, le voyage commence par l'envie profonde du cœur, l'âme initiale qui demande à se promener. Fichtre, Candide Sornette. C'est avec enthousiasme qu'un livre s'ouvre. Tombant brutalement au sol, il venait de quitter la douce et réconfortante compagnie de ses pères. Le petit meuble, tenant rôle de bibliothèque, s'était fait bousculer par les poules qui dansaient dans la cour. De justesse, je le sauve des mâchoires de mes chiens, tout joyeusement prêts à le dévorer. Attentive, je constate la petite parenthèse flottante, là, noir sur blanc, au milieu de cette vaste page vide. Juste elle. Ce symbole me laissa traverser une émotion inconnue, une vasque prête à accueillir, un contenant patient, loin de l'agitation frénétique de tous les animaux de cette ferme qui passent leur journée à courir dans tous les sens. Cette maison prônait devant mes yeux, le soleil caressant ses détails. La nuit vient bientôt. J'ai finalement pu m'étendre dans le calme des draps. Mon lit, comme cette coque de bateau, cette parenthèse, mon navire pour les narrations nocturnes qui habitent ma cervelle. Les couleurs sombres de la chambre sont doucement léchées par la flamme d'une bougie. Elle me veille. Je plonge profondément mon regard en elle. J'en oublie d'humidifier mes globes. Sa lumière, de plus en plus intense, me propulse ailleurs. Une silhouette se dessine subtilement. Telle une Vénus jaillissant lascivement de l'eau, une huître. Je tourne la page. Sa divine viscosité, l'ivresse nacrée de ses contours, la floraison iodée de ce spectacle m'hypnotise. Je me sens comme inévitablement attirée par elle. J'approche mes pas, délicatement, prude dans ma démarche, plus timide que ces vagues pompeuses qui frappent les rives de cette plage. Soudain, cruelle coccinelle débarque et me pique douloureusement le doigt avant de s'envoler. Dans ma surprise, j'effraie la voluptueuse créature qui s'envole vers l'océan. De ce délire prolixe en péripéties, je découvre un arbre aux mille ramures tombé du ciel. Il s'éclate en confettis partout dans l'air, c'est à ne rien y voir. La putride substance se liquéfie et coule en pluie de chocolat. Les cascades se démultiplient, transformant l'azur en noir, basalte rugueux, robuste, solidifiant l'horizon en un désert où je décide de m'avancer. Au loin, un curieux personnage étale une patte irisée au sol, gluante, translucide. Il me raconte que lorsque l'on marche à cloche-pied dans la douteuse marmelade, on se met à devenir léger, à décoller du sol sans plus jamais de retour à la gravité. Cependant, il est essentiel de bien se tartiner une moustache sous le nez avant de décoller. Le maquillage me permettra de respirer même au-delà de la stratosphère. Heureuse de butiner des nouveaux mondes, j'arpente les montagnes nuageuses, sillonnant l'étendue de la grandeur délicieuse s'ouvrant à mon corps. Je reconnecte aisément avec l'évidence de l'envol, sensation innée que l'homme aime tant, fantasme de schlag des plus communs. La fibreuse et éternelle matrice qui tisse partout le lien entre chaque chose, comme la pulsion du monde, vibrante avaleuse organique de la moindre pensée. Elle mange sans fin. La trame me télescope dans un tunnel à en perdre les dents. Je sens tous mes cheveux s'arracher progressivement, les extrémités qui lâchent à mi-chemin, les membres s'envolent, se désintègrent, ma tête part exploser au loin. Il ne me reste plus aucun repère auquel m'identifier. Le concept ne se présente même plus. C'est une sensation terriblement profonde qui résonne, partout, en même temps, tout et rien qui s'enlace, qui s'allie. Voilà. Merci beaucoup, Enola, pour ce texte qui, je m'en rappelle, a été également commencé à un atelier et que tu as poursuivi. Il est vraiment super chouette. Merci. Nous avons maintenant un petit duo surprenant, je ne sais pas, je ne m'attendais pas à ça, c'est chouette. Emeline et Pascal. Alors avec Emeline, on a eu envie de faire un petit duo. Donc j'ai proposé à Emeline d'écrire un texte, on travaillait ensemble. Puis ensuite, moi, je le compléterai, on va dire. Alors je laisse Emeline clamer son texte. Je vais tenir le micro. Plonger dans la terre notre souffrance, la différence dans le monde. Bon, alors, on va recommencer parce qu'on ne s'est pas bien compris. Ah oui, plonger dans la terre notre souffrance, la différence dans le monde. Tuer l'handicap près de nous de notre corps, c'est ouvrir les mains, c'est suivre un chemin. Partager les couleurs des autres, croire à la vie, notre liberté qui se regarde dans la nuit. Chanter la différence, faire tomber le masque blanc, c'est ouvrir la lumière, le monde qui s'envole. D'accepter les étoiles qui guident pour décrocher la lune, acceptons-nous la différence. Alors, on y va tous les deux maintenant. À toi. On va faire quoi ? Un début. Ah oui, d'accord. Je comprends mieux. Plonger dans la terre notre souffrance, la différence dans le monde. Terrer dans la mer notre impuissance, notre absence dans la ronde. Tuer l'handicap prisonnier de notre corps, c'est ouvrir les mains et c'est suivre un chemin. Cacher sous ma cape, échapper de la mort, c'est guetter les miens, capter ce qui leur reste d'humain. Partager les couleurs des autres, croire à la vie, notre liberté qui se regarde dans la nuit. Regardez mes couleurs, j'ose. C'est voir dans la nuit que ma liberté depuis l'intérieur me sourit. Chanter la différence. Non, c'est ça. Chanter la différence, faire tomber les masques blancs, c'est ouvrir la lumière du monde qui s'envole. Dénoncer l'indifférence, montrer nos visages, qu'ils soient noirs ou blancs, c'est nous sourire, percevoir nos lumières dans la ronde qui vole. D'accepter les étoiles qui nous guident pour décrocher la lune, accepte-nous la différence. Et guidé par mon étoile pour un rendez-vous avec ta lune, aimons-nous dans nos différences. Bravo. Merci pour ce beau duo. Et notre prochain orateur, c'est Niazi. Léo! Léo! Léo! Léo! Léo! Merci. Bien le bonsoir à tous. Ça me fait bizarre d'être ici. Est-ce que je pourrais avoir un mouchoir pour mettre dessus? S'il vous plaît. En tissu ou en papier? Je table. Pour faire du beatbox dessus. Merci beaucoup. Ok. Je vais vous faire une petite démonstration de beatbox. De ce que je peux faire. Le son devient bizarre avec ça. Voilà. Tiens comme ça. Et il bouge plus. Ok. L'échauffement. Un son, ça va vous faire bizarre aux oreilles. Je vous promets, il n'y a pas de trucage. Hein. Alors. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, go, go, go, go, moi, moi, moi, moi, tu, va, va, va, va, moi, za, za, za, za, va, va, va, va, bien, bien, bien, bien. Voilà, c'était Nico. Parce que ça donne sur micro, mais... Hey, hey, hey, hey, coucou, coucou, maman, maman, tu, ba, ba, ba. Ça marche bien. Ok. Qui est le suivant? qui est l'heureux élu pour aller sur scène faire des... Merci beaucoup, Niazi. Merci. On espère que tu animeras des ateliers beatbox bientôt. Avec grand plaisir. Je pense que tu auras des fans et beaucoup d'élèves. Donc le prochain poète, ou conteur, ou slammer, c'est Alain. Alain. Hey, Alain. Un nouveau. Bonsoir Alain. Bonsoir. Bon, c'est un petit texte que j'ai fait dans un moment plutôt pas super positif. C'est pour calmer tout le monde. Je suis un voyageur immobile. Le silence me transporte. Dans ma tête, l'infini, je marche. Mon pas est sûr, rapide, assuré. Le défi est grand. Le sol sous mes pieds se dérobe. Un pas dans le vide, c'est la chute. Je prends la plume, elle m'aide à voler, m'évitant de tomber trop bas. J'écris, mais je voudrais dire mi-mot. Ma bouche s'ouvre, mais les mots me manquent. Mon cerveau les emprisonne, nourri de mon ego. Il bouillonne et s'enflamme, satisfaisant cette lubie qu'il a de vomir ses pensées inexactes. Elle tourne et me retourne, tel un vulgaire fétu de paille, charrié par le souffle de ses peurs qui tiraillent. Stopper ce souffle, qu'il n'anime plus ses braises. Le feu est grand, le vent est fort. Je voudrais dire mes mots, ici et maintenant, mais de terre brûlée est fait mon esprit. La cendre est fertile, de nouvelles pensées vont germer. Bientôt j'offrirai de jolis bouquets de fleurs, de jolis bouquets de mots, positifs et bienveillants. Demain, peut-être. Notre prochaine oratrice, c'est Evelyne. Evelyne. Alors, c'est pas de moi, car je ne sais pas écrire. C'est de Jérémy Marshall, qui est un jeune poète et qui fait du théâtre aussi. Avec toi, trouver le lexique de ma vie, le lexique de l'amour. Je me sens, je fais un bol de mes mains. Mon doigt frémit, j'admire une petite mouche, un ivrogne silencieux, poupée sans tête, je flotte sur l'amertume du jour. La tombe a grandi avec moi, elle partageait mon journal, mes jeux d'ombre, mes accords avec moi-même. Avec toi, je me sens fenêtre, clair de lune, panorama, je me sens fleur de papier à 5 pétales. Mon ombre m'appelle prostituée, voleuse, serpent silencieux. Aurore du hasard, j'ai dépassé ma peau. Dieu sur ma langue, je me sens passage grammatical. Brouhaha allusif, je me sens miroir brisé, désaltéré d'une goutte de rosée. Je me sens enduite d'encre, gorgée de gâteaux, de liqueurs, Vénus indifférente. Je me sens cyprès desséchés, pommes, fumée blanche, épines, épouvantail, marécage, nouvelle lune, noyau de cerise, je me sens à moitié. Avec toi, retrouver mon sans-moi, mon toi. J'hésite, soif, cendre, fourmilière, tapis de nacre, je me sens pluie, cave, souffrance, théologien, rien. Avec toi, je me sens avec toi. Que Jérémy Marchal. Merci beaucoup, Evelyne, d'avoir fait parler les absents. Merci à toi. Notre prochain orateur, c'est Alexis Épignol. Alexis est là. Alexis a disparu. Dommage. Il est peut-être parti fumer, faire une pause, je sais pas. On le rappellera après. On va d'ici 10 minutes, on va faire une petite pause. Et avant de faire la pause, il y avait Messa qu'on a entendu tout à l'heure qui voulait dire un deuxième texte, c'est ça? Mais comme tu dois nous quitter justement à 22h, donc voilà, on va la faire exceptionnellement repasser deux fois parce qu'elle n'aura pas le temps de repasser pendant la deuxième partie. Donc revoilà Messa. Un slam plutôt qu'un conte. Un conte ou un slam? Un slam. C'est bien de voir slameuse et ça. C'est un texte que j'avais écrit après, les premiers attentats, les tout premiers. C'était gros. C'était il y a très très longtemps, c'était en 80. Non, j'étais pas née en 45. Donc... Je sais que j'ai dit tout à l'heure que j'avais commencé à écrire en 1977, mais quand même, j'ai écrit. Je crois que c'était en 85 ou 86, je ne sais plus. Bon, bref, toujours est-il que ce texte-là a été écrit sur un coup de colère. J'ai fait parler la France. Et si c'était la mort pour moi, le prochain port? Je ne sais plus lutter, me dois de l'avouer. Je dois enfin le voir, mais refuse à le croire. Je ne sais plus lutter. Voilà la vérité. J'ai perdu mon savoir, un peu plus chaque soir, quand j'étais enfermée derrière vos barbelés. Et je vous ai suivi, m'enfonçant dans la nuit. Et plus je vous suivais, vous étiez satisfait. Vous arriviez enfin à combler votre faim. Quand, soi-disant, pris de remords, bon prince, vous graciez, en fait, vous transportiez vers la perpétuité tant d'êtres abusés. Troupeau de vieux chacals, vous m'avez tant fait mal que nul ne peut penser toutes mes déchirures produites de vos tortures. Quand ce fut l'agonie, vous avez applaudi. Ainsi défiguré, vous me décapitiez et en coupant ma tête, vous faisiez disparaître tout ce qui fut mon être et qui était de fait. Je suis une victime d'un invisible crime. N'ai-je plus qu'à crever, ne sachant plus lutter? N'ai-je plus qu'à me rendre ou devenir de cendre? Non, non, je veux réapprendre à espérer et entendre, écouter et comprendre. Rêver qu'un jour mes larmes viendront à bout de vos saloperies d'armes. Bravo. Merci beaucoup Messa, merci d'être repassé, merci pour ce moment fort. Et notre prochaine oratrice est une oratrice et c'est Aurélie. Bonsoir à tous. Bonsoir. Eh bien, moi, je vais vous lire un dernier texte poétique que j'ai écrit il n'y a pas longtemps. que j'ai appelé Ombre d'eau. Un jeu fort et délicat. Se trouer les idées pour en sortir d'autres, plonger des mots dedans et les offrir aussitôt à la brume des pensées. Fermer les yeux, blanchir les images et ne respirer qu'un seul parfum, celui des enluminures des mots. Laisser les mains de chaque majuscule, chapeautée du soleil du cœur, épingler sur la pâte blanche les fièvres de ses fontaines. Ouvrir les yeux, puis se découvrir. Il arrive parfois que les yeux pleuvent, mais la pluie est nécessaire à la semence, et que la naissance des racines premières déclenche quelques palpitations douloureuses, mais les gravillons sont eux aussi nécessaires, ils agrippent. Il consolide la création. Pleuvoir le terreau de l'écriture dans la bouche neuve du lecteur. Pour le poète, ce jeu d'enchantement sonne un recours vital et ces jardins encreurs ne connaissent aucune retraite. Par amour, rien n'est mis à l'écart. Toutes les mauvaises herbes liées à de nombreux chardons ardents sont donc les bienvenues. Ainsi, dans les trouées, dans les brumes du poète, toutes les âmes y sont accueillies. Faire jaillir les fleurs de toutes les cultures dans les yeux hésitants du lecteur. L'écriture veille sur la nuit, à l'endroit même où, dans leur propre absence, les étoiles éclairent. Et les flammes du poète germent partout, jusqu'au centre des crevasses les plus sombres. Les vers grimpent ainsi, sans le découragement de la vie. Et les mains bleues de mer s'y enchaînent, vents et souvenirs de caresses fracassent le tourbillon des tempêtes. Toujours la force du jeu, comme s'effleurent les lèvres d'un bien-aimé. Faire tenir jusqu'à l'aube la faiblesse des mains du lecteur. Une vie forte et délicate à éclairer ce quelque chose débréché. Une flaque d'eau fraîche à vos pieds, ombre de celui qui recoue, qui ne tourne le dos qu'à lui-même. Merci, monsieur. Du papier blanc, personne. Le prochain poète et participe à nos ateliers d'écriture depuis peu. Il nous vient de Moselle. C'est Florian. Bonsoir. Alors, moi j'ai envie de vous partager un texte que j'ai écrit sur un exercice de créativité qui s'appelle Linky Pit, que je conseille à tous ceux qui veulent travailler leur créativité ou si un jour vous avez quelque chose de créatif à faire, je vous le conseille. C'est vous prenez une phrase au hasard dans un livre et à partir de cette phrase, vous écrivez pendant 10 minutes sans vous arrêter le matin après le petit-déj. Voilà. Vous pouvez faire ça plusieurs jours de suite et ça marche bien, moi je vois bien l'indifférence. Donc la phrase que j'ai pris au pif dans un livre sur une BD sur l'histoire de la bière s'appelle « Mais les autres levures survivaient ». Mais les autres levures survivaient. Qu'avait-elle de spécial ? Nul ne le sait. Certains disaient que c'était dû aux expériences folles du vieux scientifique du village. Une minorité le qualifiait même de sorcier fou. La légende raconte qu'il aurait réussi à cloner des chats. Et Dieu seul sait quoi d'autre. Moi, ça me donne froid dans le dos. Heureusement, je ne l'ai jamais rencontré. Du moins, pas encore. Ça ne saurait tarder. J'ai été chargé de la mission de découvrir ce qu'étaient ces petites fioles bizarres. Elles font la taille de mon pouce et le liquide qu'elles contiennent est d'un verdâtre fluo comme jamais je n'avais vu. Ah si, je me rappelle très bien de cette bouteille d'absinthe que j'avais sifflée en un soir. Faut dire que je n'avais sacrément besoin ce soir-là. Toujours est-il que ce n'est pas ça dans ces fioles. Je ne pouvais pas me tromper sur l'odeur. Là, ça sent l'amertume chimique d'un reste d'expérience qui aurait foiré. Ou trop bien réussi, je ne sais pas. Le seul moyen de le découvrir, c'est d'aller voir le scientifique et voir s'il pourra m'aider. Mais il me fout les jetons. Je le vois venir en plus. Il va me demander de garder une de ces fioles pour travailler dessus et découvrir ce que c'est. Mais qui me dit qu'il ne va pas s'en servir pour ses propres intérêts ? De toute manière, je n'ai pas le choix que de passer par lui si je veux savoir ce que c'est et élucider ce mystère. Et peut-être les événements louches qui y sont liés s'arrêteront. D'une BD sur l'histoire de la bière, on arrive à ça, c'est pas mal. C'est pas mal, je vais tenter l'exercice le matin au petit-déj. Notre prochain orateur est aussi quelqu'un qui vient aux ateliers d'écriture et que nous avons d'ailleurs rencontré un autre atelier d'écriture au TIO parce que les écrivains poètes se déplacent. Et donc maintenant, nous appelons Segundino. Bravo Segundino. Allez, bravo. Bonjour. Alors moi c'est un... Ah oui, excuse. On t'entendra mieux. Bonjour. Alors moi c'est un texte que j'ai écrit avec Léoré, avec Léoré de Travers. Nous avons un père et une mère, très amoureux, l'un de l'autre, qui ont les problèmes de ma vie. Je dis avec un grand coup de marteau. Je dis cela avec un grand coup de marteau. Mon histoire commence comme cela donc. Ils se sont aimés, ont fait l'amour, et je me suis retrouvé blotti dans le ventre de ma mère, de ma maman, duquel je sortirai quelques mois plus tard. Beaucoup plus tard, mon adolescence prendra le pas avec des problèmes, projetés beaucoup plus loin. C'est le refus, la haine, le moral, les traversées du désert, pour parfois essayer de me reconstruire. Beaucoup de chimères traversaient ma vie, avec des grands moments de patience, qui se traduisent par de la sagesse, jusqu'au moment où les rêves ne sont plus maîtres de ma vie. La souffrance parfois est omniprésente, malgré le refus. Je rencontrais des moments de paix, des ensoleillements, avec parfois, à l'inverse, des visions de mort, et qui m'accompagnaient dans l'humour noir, le rire. Moralité, la vie est-elle un destin ? C'est triste, mais... Bon, avant la pause, notre dernière oratrice est une oratrice, puisque c'est moi-même, c'est Léa, voilà, je vais dire mon prénom, même s'il y en a plein ici qui me connaissent malheureusement. Alors je vais lire un texte qui n'est pas de moi, parce que j'ai pas eu le temps de peaufiner ce que je voulais lire ce soir, mais quelqu'un m'a demandé de lire un de ses textes et ça me fait extrêmement plaisir parce que j'aime énormément ce qu'il écrit. J'ai été très très touchée qu'il me demande hier si je voulais bien lire un de ses textes. Donc Kiko, je te remercie beaucoup de l'honneur que tu me fais. Donc je ne vais pas remercier ton mal de gorge, mais merci quand même. Le titre de son poème, c'est « Renonciation ». Terminé. Les caresses fugitives, les étreintes hallucinogènes, et le grand art rétrospectif qui revisite et corrige le passé. Terminé. Les sauts de l'ange malencontreux, la vertu sacrifiée à l'obscénité, la proximité jouée à contre-courant, et les baisers à mourir dedans. Terminé. Le destin forgé au lendemain, au lendemain qui chante, au lendemain qui danse, à cet autre jour qui te crève la panse. Terminé. Terminé les sentiments biaisés pour les nouveaux fiévreux, pour tous ceux qui se croient parvenus, pour tous ceux qui n'y parviendront jamais. Terminé. terminer le rire au bord des larmes et le frêle adieu aux armes. Pas envie de mener la guerre, pas envie de vous satisfaire. Terminé. Eh bien, merci à tous. Nous allons faire une petite pause d'un quart d'heure, 20 minutes, le temps que vous preniez trois tisanes, deux bières, un cubit de vin, vous fumiez des clopes, voilà, tout ce qu'il y a de sain, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, si vous êtes intéressé par les ateliers, vous pouvez venir me voir et je vous inscris sur le groupe WhatsApp pour que vous soyez informé de l'organisation, etc. Et voilà, quelle heure est-il ? 22h, et bien 22h22, nous pouvons reprendre les déclamations. Et s'il y en a d'autres qui veulent remettre des poèmes ou des slams ou autres, n'hésitez pas. Des gens qui sont déjà passés, qui veulent redire un deuxième texte, ou des gens qui ne sont pas intervenus, qui ont été inspirés et qui veulent reprendre le cercle des orateurs, vous êtes les bienvenus. Voilà, voilà, n'hésitez pas, venez massivement mettre des livres en entier dans le chapeau. Merci beaucoup. À tout de suite. Vous ne tournez pas là, les messieurs. Et merci. On n'a pas que tout le monde soit arrivé. JP commence. Je vous laisse. Bonsoir. Ah oui, si tu veux, d'accord. C'est un texte de François Cervantes. Devenir clown, ce n'est pas mettre un nez rouge, ce n'est pas faire rire, être caricatural ou excentrique. Mettre des habits colorés et des cheveux rouges, ce n'est pas rire ou pleurer fort. Devenir clown, c'est devenir poème. Les clowns sont des livres de chair. On dit en Afrique qu'un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît. Je pense qu'un clown qui apparaît, c'est un poème qui nous est donné, et qu'un clown qui disparaît, c'est un poème que l'on ne pourra plus lire. Bravo. Et je te laisse... C'était pour un clown qui vient de nous quitter. Alors on y a pensé au début. Et tout le monde le connaît, peut-être ici, enfin je pense. Ouais. Et Marie-Pascale, qui n'est pas là ce soir, m'a envoyé un texte que vous trouvez sur Facebook d'ailleurs, directement. Bon, c'est le docteur Blanc, bien sûr, qui était parmi nous, qu'on a connu beaucoup dans les marches fleuries. Alors, je vais vous lire son texte. Je vais vous lire son texte de Marie-Pascale. Salut à toi. Toff blanc. Adieu, va, clown, jongleur avec toutes couleurs. Christophe Grange, le plasticien récupérateur d'horloges à bricoler, le temps, a décidé de tirer sa révérence avant l'heure. Tu as été parmi les premiers sélénites. Marie-Pascale a créé les sélénites chaque pleine lune, les fêtes de pleine lune. Gratitude, c'était en plein couvre-feu, le 1er décembre 2020, la sensation étrange de se sentir. De se sentir vivre par-delà l'enfermement. L'énergie de résister, on ne s'était jamais rencontrés, on ne se connaissait pas. Tu es venu chez moi sous la lune au quart des tours. On inventait la quatrième sélénite en mode visio, banquet. Ton histoire de mise en vitrine dans ta galerie d'art est relayée dans ces chroniques qui prenaient leur envol. Je pense à gratitude, ce beau caillou que tu m'avais apporté avec ta joie de participer au Sélénite. Je pense à Tatiana, ta fille chérie, tenir bon, et à ton pote Olivier Blom aussi. Ils étaient venus avec toi, je pense à ta famille bien sûr. Et à notre famille, celle des artistes aux marches fleuries au concert de HK, 10 mars 2021, où tu avais mis en pièce ta fresque réalisée sur place avec de vieux rouleaux de papier peint pour nous donner des fragments reliques d'un passage libertaire. Voilà. passage libertaire, anarchiste, euphorique, inoubliable. La dernière image qui me vient de toi, c'est un mec sur un drôle de vélo qui tire une charrette alambiquée d'où s'élèvent des ballons de toutes les couleurs parmi foule de manifestants. On est tous des clowns tristes en ce moment. Et Marie-Pascale dit, j'adresse aux proches de Christophe mes plus sincères condoléances, prières et messages de soutien. Marie-Pascale Godet. Bravo! Merci Omar Fleury. Ben, merci pour l'hommage fait à Tove Blanc, que voilà, certains d'entre vous ont probablement connu. Il avait son atelier à Saint-Laurent. Voilà. Donc, le prochain poète conteur slammer, c'est Jules. Jules! Ouais, Jules! Merci de la nouveauté julienne. C'est vachement bien mélangé, hein. Je me suis inscrit il y a 14 secondes. Bonsoir. Je fais de la musique avec mon frère, on écrit des textes et ce soir je vais vous lire un texte qui parle de cinéma. Cette lumière n'a que frère, puisqu'elle vit dans des salles sombres, et il m'arrive sans en être fier de prendre peur de ses pâles ombres. Je suis en infiltré dans une boîte de chocolat. Pas de bras, je ne sais sur quoi tomber, coupé, je laisse quelques copeaux là. Seul au monde sur mon île, possible que je rêve d'elle, ou d'elle pour m'envoler et voir comme la vie est belle. Je songe à un fabuleux destin, duquel resterait à part Dieu. Je compte les parrains, un par un, j'écris mes rimes de par Dieu. Mes images dansent en rythme, dans une valse à trois. Ma vie est un film d'auteur, craignant de tomber bien bas. Ne le dis à personne, j'attends encore ma lettre pour Poudlard. Si tu savais les larmes versées dans tant de petits mouchoirs, arroseur arrosé, je drague et rends pulpeuse la fiction. Je surfe sur la nouvelle vague d'une piscine qui fait ça de l'ombre. Je joue à des jeux interdits autant qu'à des jeux d'enfants, romantique au romantique, amour du futur et d'antan. Mon stylo est une arme fatale, je suis le pianiste des mots, des baisers volés, des pétales dans des psychoses de héros. Parfois les étoiles font la guerre, n'y vois-tu pas un sombre signe? Loin d'un grand bleu à ciel ouvert, j'ai vu la haine se montrer digne. Un cinquième élément vadrouille, près mon sixième sens en vain. Image du septième arche bafouille, jusqu'au huitième jour au moins. X histoires autres, ce scénario se découd, même si je garde la tête haute, enfouie dans 400 coups. Je suis le discours d'un roi, prononcé dans l'arène, un club dans lequel on se bat, loin d'où Super Trump se promène. Pâle, je pars à l'ouest, terme, où file lassé de vie. Belle allure des temps modernes, Stalingrad, Philadelphie. J'aimerais porter disparu, mais dans un cercle de poètes, sous un masque qui tombe à nu, bel avatar qu'il me faut être. Ma toupie tourne en rond sans fin, mesdames, messieurs, pourtant, je suis fatigué, patron, et je perds du nom précieux. Entre nous, cette petite distance, c'est mon premier court-métrage, là où un thriller est en partance, entre le rire, les larmes, la rage. Comédie, drame de flic, comédie, c'est un art se pressant, et je retourne vers le futur, le temps passé à écrire ce présent. La musique comme le cinéma, explosion de couleurs, quand il ou elle te frappe, tu ne ressens jamais la douleur. Ce poème bancal infirme, tant pis s'il n'aime pas. Je sais pas si ma vie est un film, mais je me fais mon propre cinéma. Bravo. Le clip est sur YouTube. Alors le prochain conteur, slammer, poète est un. Il s'appelle Pascal. Que faire face à mon handicap, face à ton handicap, le tien qui me dérange, le mien qui te dérange, je ne vois que le tien. Pour éviter de voir le mien. Tu ne vois que le mien pour éviter de voir le tien. Le tien que je vois si gros, aussi gros qu'un éléphant, aussi grand que la muraille de Chine. Je n'aime pas les éléphants, je les tue pour leur défense. Plus je les tue pour leur défense, plus je pense à ma défense. Plus je pense à bétonner ma muraille. Et toi, si différent, qui aimes les éléphants. Plus tu attaques ma défense, plus tu fragilises mon bunker. Plus je risque la chute, moi, Jupiter. Nous sommes en guerre. Pas une guerre des tranchées, une plus terrible encore, une guerre des retranchés. Toi, le handicapé, moi le retranché, dans mon bunker planqué. Et Manu Militari prêt à attaquer. Toi le virus, moi le minus. Le handicap est en nous, les virus sont partout. Un éléphant, ça trompe énormément. La prochaine poétesse nous vient de Remiremont et c'est Aurélie. Alors, comme tout à l'heure, je vais vous lire un de mes récits poétiques. Qui s'appelle « Ce qu'il y a à écrire ». Ce qu'il y a à écrire. Il faut parfois ressembler à l'étrange, se noyer dans l'impuissance, savoir se traîner dans d'autres positions, ressentir le corps et les muscles dépassés d'eux-mêmes. Mais si tout écrase, le tout, au dehors, rien qu'en montrant à le dire, se plaire de l'intérieur, contorsionniste de l'écriture. S'emparer d'un membre solaire et tisonner les blessures pâlies pour réchauffer les battements, réveil du cœur. S'emparer de la poésie pour revivre paupières et bouches dans l'étoffe de la caresse. Regarde ce qu'il y a à écrire dans le chuchotement du soleil. Ouvre les tombeaux endormis dans la richesse humide des yeux de la terre. Répare ce qu'il reste des corps dans la toison poétique de la loyauté. Couvre les fosses exposées des racines séraphiques de chênes noircies. Il faut parfois ressembler à l'étrange, se noyer dans l'impuissance, savoir se relever dans les douleurs d'autres positions. Renaître le corps et les muscles déplacés en soi-même. Merci, monsieur Colin. La prochaine est donc une poétesse, slameuse ou conteuse. Elle s'appelle Lysiane. Bonsoir à tous. Bonsoir. Dans cette pouponnière de solitude, braillent les marmots empêtrés dans leur identité quand les retrouvailles leur font défaut. Ce sont des empreintes indélébiles, pétries de souvenirs, qui jaillissent et ressurgissent, témoins d'une enfance tourmentée. Et quand les sentiments sont synonymes de déception, oser la tendresse, la douceur, l'étreinte, pareil au silence, pardonner à la porte son absence, lui prêter une fenêtre, tel un enfant qui apprend à parler. Sur les rives des fleuves, s'écarter de la vie, écrire des poèmes, les déclamer, avant que survienne l'effondrement. C'est toute une renaissance apocalyptique après cet effondrement, qui a tant perturbé cet amoureux, qui a pu saisir la magie de l'écorce, empreinte de bons sentiments. Le chemin bouleversé continue au croisement sinueux des contrastes engendrés par le maître à penser, à la respiration tourmentée, par la séparation de cet autre, semblable à un poète itinérant. Merci, Louisiane. La prochaine poétesse nous vient de Moselle. Elle est vraiment derrière moi. Léa. Oui, parce que pour certains qui ne le savaient pas, je ne suis pas vosgienne pure souche, je suis vosgienne d'adoption. Et mon cher ami a le grand plaisir de me le rappeler. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais très heureuse de lire un texte de Kiko, parce que moi, j'ai pas eu le temps de tellement peaufiner les miens. Je vais vous faire deux textes, un truc vraiment très très court, parce que donc hier, j'ai essayé de réécrire un peu, et j'arrivais pas à trouver satisfaction de ce que je faisais. Et j'ai finalement choisi de faire un petit exercice qui est l'écriture libre. Donc c'est en fait, vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête. C'est un exercice qu'on fait assez souvent à l'atelier d'ailleurs. Et normalement on fait ça avec des mots. Donc vous écrivez tous les mots qui vous passent par la tête et qui permettent après, vous en choisissez certains pour écrire un texte, une histoire, un poème. Et moi j'ai fait ça mais avec des bouts de phrases. Donc j'ai écrit des petits bouts de phrases comme ça, au hasard, ce qui me passait par la tête. Est-ce que le confort nous éloigne ? Nos langues sont vivantes. J'aimerais le voir plus souvent. De la douceur dans ce monde de carnage. Je voudrais te sauver de mes larmes. Chercher, c'est comprendre. Il y a plus de refuges dans mes montagnes. Les banques sont des trous béants dans l'exergue démembré des cerveaux vides. T'as rien à me perdre. Tais-toi. Suivre nos instants, suffire à soi-même. Épeler les nombres, sortir les bronches, respirons, vivons. Point. Bravo. Et j'ai envie de vous partager un deuxième petit texte qui est un peu plus abouti, mais qui date d'il y a bien longtemps, le 16 octobre 2008. Et j'étais loin d'ici, j'étais à environ 2756 km des Vosges. Et voilà. Et je suis retombée dessus il y a peu, parce que j'ai retrouvé ce carnet que j'ai commencé en 2007. Et ça m'a fait très bizarre de relire ça, mais j'aime beaucoup ce texte. Nous sommes maudits, nous autres. Trop penseurs pour laisser les choses se faire sans se poser de questions. Trop rêveur pour s'épancher sur les choses sans fond. Trop passionné pour ne pas aimer la vie à son degré le plus haut. Pour ne pas vouloir la vivre intensément, chaque instant dans sa mesure, sa signification entière. La légèreté contemplative d'un matin frais sous les premiers rayons de soleil que je respire pleinement, comme l'un des plus beaux cadeaux que j'ai sous les yeux. La froideur magique et mélancolique d'un soir d'hiver, seul dans la ville blanche, au bord du canal, à vouloir que ce froid me prenne et me glace aussi loin que mon mal me tient, parfois. Vouloir toucher ces regards qui croisent le mien, ces sourires qui m'emplissent de petits bonheurs passagers, éphémères qu'ils sont dans chaque journée. Mais ces regards, oh, ces regards, beaux, doux, sauvages, durs, tristes, heureux, perdus, aimants, voilés, soucieux, songeurs, désespérés, désenchantés. Je voudrais tous vous prendre, réparer ce qu'il vous manque, vous donner parfois le mien quand le vôtre ne va pas, m'emparer du tien quand je le perds, quand je ne vois pas. Vivre passionnément chaque chose, chaque instant. Vivre l'amour comme je vis le reste, comme j'aime la vie. Compliquée et légère, douce et violente, rassurante et étrange, merveilleuse et mystérieuse. Et je voudrais que tu lises ça dans mes yeux, que les mots ne soient plus les bienvenus quand tu peux écouter mon corps, que tu prennes parfois le temps de rien, juste regarder quand il n'y a trop rien à voir, que tu écoutes les faux silences, que tu sentes les mouvements fragiles, que tu perçoives les couleurs du vent, que tu sentes la vie au plus haut degré. Bravo. Bravo. Merci Léa d'avoir osé me voter si loin quand tu devais être petite comme moi. Parce que tu te répètes. Maintenant, c'est un qui s'appelle Sébastien qui est attendu. Sébastien. Petite croyance limitante, comme je t'aime. Donc celui-ci s'appelle le phénix. En fait, il y en a deux. Et du coup, on va commencer par le phénix. Donc, l'amour ruisselle depuis les hauteurs de mon existence. Il se déverse comme un orchestre triomphant et dévalant les ruelles festives de Rio, ou encore comme ce reflet de lumière qui scintille étroitement entre deux mondes. Parfois insaisissable et pourtant bien présent, je le sens, le temps, lui aussi semble se glisser ou se mouvoir comme les courbes d'un serpent. Puis le serpent grandit et atteint sa maturité suffisante, alors il retire ses quelques vêtements et le voilà de nouveau mis à nu. Comme toutes les saisons qui se succèdent les unes après les autres, se plongeant à chaque instant dans un nouvel espace-temps, neuf et parfois vertigineux. Sommes-nous tous témoins et acteurs ? Témoin de l'éternel et de sa grandeur, acteur du temporel et de ses futiles querelles, avec cette étrange sensation que tout cela restera gravé quelque part, dans l'univers et sa mémoire, ou peut-être bien nulle part. Mais les jours se succèdent, les gens naissent puis meurent, les fleurs s'ouvrent puis se ferment, et ainsi va la vie. Puis la première pierre de l'édifice tombe, le premier masque, le premier costume s'effrite au seul contact de deux. Au seul contact de son monde, les anciennes souillures sont brûlées sur le bûcher de la grande vérité. Le chant des oiseaux recouvre intégralement le bruit de tous ces démons. La danse des anges provoque mille tourbillons d'amour et de joie, emportant toutes les misères et les souffrances générées autrefois à travers l'illusion et l'ignorance. Je suis un peu émotif. Bercés ici-bas, les volcans de l'être se réveillent, des trompes d'eau se déchaînent sur les terres mortes et desséchées, des fluides spirituels pénètrent une à une toutes les cellules endormies, les unes après les autres, les pierres somnambules se réveillent comme une envolée de corbeaux au crépuscule d'un horizon sans fin. Et de son pieu qui transperce tous les voiles encombrants, ce regard qui s'oriente vers l'unique source de vie, sachez-le mes amis, c'est ainsi que les rideaux tombent. La véritable scène s'ouvre enfin au grand jour, à la pleine lumière, simple et sans contre-jour. Et le temps qui se brise, se dissout et se déplace comme une brochette de nuages, parfois grisonnant et d'autres fois somptueux, sombre concept vivant dans la tête des hommes, j'allais dire dans le cœur, mais apparaissant et disparaissant comme des vagues célestes, autant phénoménales que subliminales. Et ce petit bout de fragment qui putine, par sa propre expérience, transformant le cuivre en or et le plomb en cristaux argentés. Et cet appel lancé vers les cieux, ce rugissement d'ailes qui s'élance sur les courbes du vent, suivi de ce roucoulement angélique faisant disparaître les rapaces les plus dociles, et ces charognards qui d'un seul cri s'évaporent. Oui, oui, je dis oui à l'amour pur sans forme et sans nom, celui qui est vécu sans raison et au-delà de toutes les saisons. Oui, cet amour qui retentit et se pulse à l'intérieur du cœur des hommes, des animaux, des végétaux et des minéraux. Cet amour qui vibre à l'unisson à travers toutes les cellules vivantes de cette création et des galaxies les plus lointaines, conscientes ou inconscientes de leur lumière battante. Puis, le dernier masque tombe, la fantaisie des derniers costumes arrive enfin à leur comble. Un tas de cendres et de poussière immonde battue précédemment sans cœur sur une tombe. Voici la signature de la fin d'un monde, et ce silence qui applique son baume, et enfin ce creux dans les vagues, aspirant le dernier souffle de l'âme, cette petite plume sans rime, turquoise maritime, enlacée dans son fil doré, avec cette lueur pour la bercer. Les cendres se réveillent, et ce petit cœur qui s'ouvre, voici la pointe de son bec, il est de retour. De nouveau, le phénix s'ouvre au grand jour. Et j'en ai un petit, un peu plus petit, un deuxième qui est quand même très fort. Je me mets à genoux parce que je suis à genoux face à moi-même. Et face à cette chaise aussi. Donc c'est peut-être fou d'y croire, mais franchement j'ai pas sommeil. Je ne suis pas venu ici pour me balader en oubliant tranquillement mes rêves d'enfant. Tant qu'il me restera de l'amour, je continuerai à aimer. J'aime bien ces choses. Tant qu'il me restera des rêves, je continuerai à rêver. Et tant qu'il me restera de la vie, je continuerai à vivre. Et quoi ? Les difficultés ? Les doutes ? La souffrance ou la peur ? Mais qu'est-ce que la mort pour un homme libre, hein ? Qu'est-ce que la peur face à ce putain d'amour ? Rien. Cela n'est rien. Ce que tu appelles obstacle, difficulté ou problème, j'appelle cela défi, challenge et opportunité d'apprendre et de grandir. Et l'amour ? Eh bien l'amour, c'est la force vivante qui permet à la graine de percer facilement le sol de la terre. C'est le chant d'un oiseau, les pleurs de l'enfant et le rugissement du lion. L'amour, c'est la route et c'est l'obstacle. L'amour, c'est un regard, un sourire, une claque. C'est bien lui qui donne un rythme à la lune et une trajectoire à nos planètes. C'est la chaleur du soleil et la douceur de notre lune. L'amour, c'est le jour et c'est la nuit. L'amour, c'est le ciment de ce monde. L'amour, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Nous sommes jardiniers et créateurs de cet univers. La peur s'est suffisamment amusée sur cette planète. Il est maintenant venu le temps pour nous de semer des graines d'espoir, d'amour et de sagesse. Fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Puis en laissant le temps au temps, tu finiras exactement là où tu dois être. Wow. Merci Libellule d'avoir dépassé la pensée limitante. Et on espère te revoir toutes les prochaines fois, virevolter parmi nous. La prochaine poétesse fait de l'art dramatique et c'est Evelyne. Evelyne. Oui! Bah, difficile de passer après un artiste un véritable. Bon, toujours un texte de Jérémy Marshall. Laissez-moi, soleil noir et glycine, étang et pelouse. Laissez-moi ces poussières d'or, ces confidences dans l'herbe naissante. Laissez-moi façonner notre rivage qui confond les mondes, notre rivage qui prolonge mon corps. La vie en contrebas, la transparence nous dénonce, l'oubli qui submerge mon sang. Embrasse-moi, de bon gré, dentelle sur mes lèvres parenthèses. Tu m'effaces, tombée de givre, l'eau qui voyage fouillait nos yeux. L'incertitude gomme nos transports et mes cris. Voilà. Ben merci, Evelyne, de dire ce texte de Jérémy. Un bec va te pousser. Arrête bien les petites. Est attendue ici, Emeline. Le sourire. Glisser dans les étoiles, c'est écrire dans le monde dans ton cœur. c'est ouvrir dans tes yeux d'amour pour plonger dans ton sourire, me mettre dans tes bras pour vivre des pages avec toi. C'est plonger au creux de tes mains, je voyage dans le monde, je fais découvrir un monde merveilleux, je me laisse emporter dans les nuages, je me laisse guider dans le monde de l'amour. C'est pour toi mon amour. Vincent, le retour. Moi ? Oui. Bon. Et alors, ce sera une histoire qu'on a fait dans un atelier récent. Là. Il s'agissait d'imaginer dans l'Odyssée, avec la lampe de travers, hein, c'est un autre atelier, d'imaginer, ou d'Iliane vient d'ailleurs, d'autres aussi, il s'agissait d'imaginer une nouvelle aventure d'Ulysse. Alors voilà, c'est juste une feuille à cinq. Donc voilà. Poussé de ces vents sauvages de mer et d'antiquité spectrale qui houlent les nuits, Ulysse parvint dans une guerre en ultra-lumière aux rêves, aux rives où la s'ensuire active d'intensité le soleil. Fou, celui-ci y dessinait des danses caprines sur des montagnes bleues. Une grotte s'ouvrait à l'extrême d'un cap où l'aurore venait ciseler des sculptures qui s'ouvraient sirènes en chants multipliés, appels plongeant dans les mystères ivres. « Attrape-moi si tu peux !» dit la déesse qui plongeait l'horizon. Ulysse trébucha sur un rocher devant, le nez dans la lagune, et les pieds saignolants, et les mains tendues vers... Et la déesse s'envole, muette, et dit « Je ne suis que ton âme, couillon !» Merci, Vincent. Eh bien, le prochain poète des auteurs nous vient de Corcieux. Maëlan. N'importe où. Ça va, vous allez bien ? Ouais. Ça a l'air ? Yeah. J'ai envie de faire un truc que j'ai jamais fait ce soir. En fait, je vais faire un texte, mais vous allez le faire avec moi. C'est-à-dire que je vais dire une phrase, vous la répétez, et on... enfin, si ça vous dit, et on le fait ensemble. Ça vous va ou pas ? Ouais. Ah ouais, allez. Ouais, cool. Sinon, je vais me retrouver tout seul comme un con. Ok. Même pas de titre. Donc, je fais la première phrase et j'espère que vous allez me suivre. Les temps sont durs, quel drôle de monde. Les temps sont durs, quel drôle de monde. Les gens s'adorent, d'autres s'entretuent. Les gens s'adorent, d'autres s'entretuent. Dis-moi combien de morts a fait l'or. Dis-moi combien de morts a fait l'or. La richesse papier a rendu fou l'homme. La richesse papier a rendu fou l'homme. Nos vies sont pleines de similitudes. Nos vies sont pleines de similitudes. Chacun de son côté, on esquive les lois. Chacun de son côté, on esquive les lois. Quand t'es plongé dans la solitude, dis-moi qui te sauvera du froid. Dis-moi qui te sauvera du froid. Comme chaque matin, tu te lèves et tu bois ton café. Comme chaque matin, tu te lèves et tu bois ton café. Tu te demandes encore pourquoi tu vas bosser. Tu te demandes encore pourquoi tu vas bosser. Tu travailles pour payer tes factures, tes dettes. Tu travailles pour payer tes factures, tes dettes. Et pour remplir juste le fond de l'assiette. Tu te reconnais dans ce que je dis, normal. Tu fais partie de la France d'en bas. Partie de cette France devenue banale. De cette France devenue malade. Merci. Merci à toi. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Mer merci pour les expérimentations. C'est toujours. Bah, on teste. Eh ben, il faut tester. Rappelons que c'est un laboratoire, les ateliers. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Eh bien, c'est une poète, Lise. Lise. Et la colombe de la poète. De nos souffrances. Le micro, Lise. Oui. Vas-y. La plus grande souffrance à porter, c'est l'absence d'un être aimé. Parti trop tôt et à jamais, on ne pourra pas l'oublier. On ne pourra pas l'effacer. L'amour ne peut pas l'emporter. Mieux vaut la souffrance à l'oubli. Mais on vit sa présence aussi. La ressentir et lui parler, et partout on peut l'emmener. On apprend à vivre pour deux, pour vivre enfin moins malheureux. La plus grande peine à oublier, c'est la douleur d'un cœur brisé, sentiment d'être abandonné. Le soleil cesse de briller, vraiment difficile d'accepter. Il faut pourtant se résigner. Cicatrice restera marquée, mais tire un trait sur le passé. Il faut savoir tourner la page, se détacher de ce visage, pour reconstruire une autre vie. Puis un jour, l'amour refleurit. Terrible douleur à supporter, difficile de l'imaginer. Quand elle vous prend et vous tenaille, par moments même, le cœur défaille. Les minutes paraissent des heures, les heures semblent interminables. Pour que cesse enfin la douleur, cette douleur insupportable, on serait prêt à tout donner. On voudrait ne plus exister. On supplie, on prie ardemment, que vienne le soulagement. Comme si ce n'était pas assez, calamités et maladies, tous les accidents de la vie, l'homme ne cesse d'en rajouter. Soif de profit, soif de pouvoir et de profit, il assassine et il détruit. Même au cœur de nos villages, que de conflits de voisinage, par envie ou commérage, quel gâchis et quel ravage. Tant que l'homme n'a pas compris, il passe à côté de la vie. Séquence émotion hein. Hashtag rêve ce soir. Arrête de boire. Florian, où es-tu? Viens-tu nous rejoindre? Florian. La synchro est bonne, je viens de quitter le bar. Même exercice que tout à l'heure, je vais vous lire une phrase que j'ai prise au pif, dans d'ailleurs un guide touristique du pays d'Épinal, donc vous allez voir que ça peut mener lieu à d'autres choses. Donc la phrase, c'est « La branche sud irrigue le territoire du pays d'Épinal sur environ 75 km. » Donc, la branche sud irrigue le territoire du pays d'Épinal sur environ 75 km. L'escadron d'infanterie du 2e bataillon avait reçu pour ordre de longer cette branche sud en ne marchant seulement la nuit pour ne pas être vu par les troupes ennemies. Le commandant Hervé, commandant en chef de cet escadron, connaissait bien ces chemins sinueux et boueux et il pourrait mener ses hommes de l'autre côté de la rivière sans trop les fatiguer. Il faut dire que la nuit était fraîche à cette période hivernale de l'année 1940 dans le pays d'Épinal. Les hommes du commandant Hervé avaient une totale confiance en leur leader. C'est pourquoi, après deux nuits de marche, lorsque celui-ci leur ordonna de traverser la rivière à un endroit à fort courant, personne ne s'y opposa. Il faut dire que c'était l'endroit le plus sûr pour traverser. De par sa faible profondeur, C'est ainsi que les 80 hommes de l'escadron avançaient, les fesses dans l'eau et les bras levés, la rivière qui les séparait de ceux qui avaient annexé toutes les terres où ils avaient fondé leurs souvenirs. Ce n'est qu'une fois arrivés sur la terre ferme que les vraies difficultés allaient arriver. Ce n'est sans compter la malice du commandant Hervé, qui une fois de plus allait épater toute la galerie. Merci. La prochaine poétesse spinalienne qu'on a déjà entendue, c'est Emeline. Non, j'ai amoureuse, elle va l'écrire. Je sais que j'ai un groupe exprès. On va trouver ça ailleurs. Si, je vais le faire. Il y en a deux et puis ce sera bon. Après, avoir la liberté de choisir si on est très humain, voit-il autre handicap d'accepter notre maladie, notre souffrance mentale. On vit car dans le bonheur de vivre chacun notre liberté de choisir. Comme on vit dans un monde surmonté. Avoir propre liberté de choisir notre vie avec notre différence, on vit dans un monde comme les autres. Essayer d'être respecté dans notre souffrance, notre maladie autour de la terre, de nous donner notre force de croire notre vie, de choisir ne pas être prisonnier de notre souffrance, avoir notre propre liberté. Je rentre dedans la terre, je me ouvre une planète dans la nature, je me laisse emporter comme un coquelicot qui chante au soleil. Je m'envole comme un oiseau qui se pose sur un monde, qui se regarde dans le miroir et son reflet. Je suis un oiseau très rare, je suis différemment des autres, mais j'accepte comme je suis d'aller loin de l'horizon, le soleil se couche au fond de la mer. Merci. Dernier du chapeau. Bon, s'il y en a qui veulent glisser un papier de dernière minute, c'est encore possible. Et la dernière poétesse, c'est Enola. C'est un petit poème érotique qui s'appelle Vestige d'un vertige. Dans un souffle d'ectoplasme au sirupeux rivage, elle écarte la brume, offre ses hanches au visage. L'onirisme de sa nimbe flamboyante, le clapotis de la chair de nos ombres vrombissantes, je l'embrasse avec ma bouche d'en haut. La magnétique créature triture un murmure, un chant hypnotique des feuillages, elles sont de l'alcôve nervurée, divine en colure, aux mille embouchures. Humide spectacle de pétiole argenté. Infiniment bleu, la tendre iris tranchée. Un chien andalou, va-t-on aller ? Voilà. Merci. C'est plaisir. Alors, que fait-on ? Y a-t-il encore des propositions ? Guillaume, t'as pas fait de texte. Salut. Allez, Guillaume. En fait, il avait préparé tout un cahier. On va l'encourager. En tout cas, merci à tous. On était plus de 35 à déclamer des textes ce soir, ce qui est quand même pas mal. Merci. Espérons que la prochaine fois, vous viendrez à 72. Donc, on dira jusqu'à 4h du mat. Alors, je vais essayer de faire quelques allitérations pour le plaisir de vos oreilles. Et vu que j'écris mal et que je n'arrive pas à me relire, vous m'excuserez que la lumière est pas très... Ah. Ferme les yeux, ferme ta gueule et écoute. Écoute le côté du paysage écorché. Écoute l'écho des emmerdes qui te titillent entre jambes. Regard vaginal sur les vertueuses vérités ventripotentes. À l'horizon des oxymores homosexuels, à moitié homo sapiens sapiens. Au huitième plan, le perchoir du percheron prenant une perche pranistique. Dans ce monde cosmique, les montres menstruelles maticotent les miasmes mondialistes. Oh là là. La calligraphie naturelle des noctambules, narcotrafiquant, ni l'existence du néant. Un paysage rupestre et rutilant rappelle le règlement des rats relous au Roland Rastapoer. Le son des trompettes trompe le tintamarre du Turkestan tarabiscoté. Apparaissent les fausses fractales de la souffrance ou de la France d'en bas. Dans ce lupanard, louvoient les loups, lynchant des lycaons aux allures lycanthropiques. L'anacolute médite les ampoules d'amphétamine à l'anthrax antidéluvien. Badaboum fit le bazooka au Bachibouzoukistan, les Bernard l'ermite de Bornéo. Caca-pipitalisme, c'est la croisade coloscopique du chantre qui caresse Cassiopée. Danse le dromadaire pour draguer les... les mains entre les dunes danubiennes qui daubent... Je sais pas quoi je fais. L'escamoteur en tube, les énergumènes qui s'entrelacent en s'enracinant dans les entonnoirs. Force est de constater que les fabulations du forçat floutent l'affaissement jusqu'à la folie. Gloria, le glaive gargouille dans les glaviots de la gorge gargantuesque des gallinacées. Amassant les asticots à Hambourg, Hélène, elle, Hector, le harpiste harponnant le H. Immacule l'idée d'une image d'ignorance dans l'ivresse des Ivoiriens. Les jacqueries jacobiennes joueront leur rôle quand Jacques a dit que le javelot jalonnera la gingivite. Kamikaze, tu structures les victimes cosaques du Kazakhstan par les carambolages kaki. Lourdeur météorologique qui larde les lampions laconiques du Loir-et-Cher. Métastase mélancolique, tu machines ton marasme par des miasmes métropolitaines. Nitroglycérine, tu nicomouk les dardinesques dynasties du narval nordique. Opération optique d'un occultiste oléagineux obligé d'oublier l'oligarchie obsédante. Putain de problème protéiforme, palabre panthéiste de printemps. Pourquoi ? Qui, quoi, quand ? Question quantique. Si vous avez compris quelque chose, c'est que vous n'êtes pas normal. Hein. Je vous en prie, allez-y. Ça concerne tout le monde. Enfin, plutôt de l'interprétation des mots. Pour toi, ami poète, ton âme sensible, assoiffée de poésie, aime se délecter, savoure délicatement ces lignes exquises pour ton ravissement. Ton cœur comblé chavire sur cet océan de bonheur. Tu t'impatientes de découvrir mes textes engagés, riches en réflexions, intense de réalité. Ma plume se lève, toujours prête pour de nouveaux sujets, pour inspirer amour, solidarité, fraternité. Viens donc me rejoindre en semeur acharné. Espérons fructueuses nos littéraires moissons pour nourrir abondamment les hommes de sages résolutions. Semons, semez sans fin, le monde si malade sans nous est condamné. c'est gentil, merci. Eh bien, merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment, de nous avoir écoutés les uns les autres. Voilà. Je pense que le mois prochain, nous allons refaire une scène ouverte, si tout se passe bien. Et nous allons continuer aux ateliers d'écriture les jeudis. Donc si vous voulez venir jeudi prochain à 19h, ici, vous êtes les bienvenus. Oui, peut-être que d'autres avaient des propositions, dites-moi. Alors, s'il y a des personnes qui seraient éventuellement intéressées pour faire un... Donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour faire un atelier demain, donc d'écriture demain soir, c'est possible. Il faudrait juste nous le signaler assez rapidement parce que on est plusieurs de l'atelier à aller demain à une projection débat qui a lieu au Cinéma Palace. Donc voilà, j'en profite pour faire la petite annonce. Il y a une projection débat demain soir à 20h. C'est ça. Dans le cadre du festival Là-haut sur la colline. Et c'est quoi déjà le film? Je ne sais c'est plus. J'ai trop d'infos. C'est l'école de la vie. Et il y a des gens qui sont attendus pour témoigner à l'issue du débat. Donc, apparemment, tu serais témoin. Donc voilà, demain soir, il y a cette projection débat. Et comme on est plusieurs de l'atelier d'écriture à aller à cette projection débat. On fera un atelier demain que s'il y a vraiment d'autres personnes intéressées pour faire un atelier, parce que sinon ça va être vraiment en tout petit groupe. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont motivés pour venir demain, signalez-vous, parce que auquel cas... Levez la main, comme ça voilà. C'est pas vrai. Et sinon, donc avec grand plaisir, jeudi prochain, pour sûr, il y aura l'atelier. Donc on a pour habitude de commencer à 19h par un petit pique-nique partagé. Pendant une petite demi-heure, trois quarts d'heure, on grignote un petit peu ensemble. Et à partir de 19h30, 19h45, on fait l'atelier à parler chaque fois il y a l'un d'entre nous qui anime et qui propose un petit exercice sur un thème particulier ou sur une technique particulière. Donc voilà, donc jeudi prochain sûr, pour demain à voir s'il y a des gens motivés, parce que sinon on sera nombreux à partir. Et voilà, donc merci aussi à tous pour votre participation. Pas non plus, toi, demain. Et je crois que Vincent veut dire un petit peu. Oui, justement pour dire que non, moi non plus. La soirée a été enregistrée. Je pense la passer sur les ondes de Radio Limoges, que vous captez sur Internet. Ici, vous ne le captez pas directement, c'est un revirement. Bon. Sur Radio Online, c'est mieux, Radio Online. Ça sera vendredi le 11, en principe, de 21h à le temps que ça dure, toute la soirée. Ce vendredi, je n'aurai pas le temps de faire le montage. Donc ça sera une émission littéraire aussi, avec d'ailleurs l'atelier. Hebdomadaire, l'avant-dernier, et puis un thème littéraire aussi. Et puis, évidemment, les écrits, les paroles s'en vont, enfin non, s'en vont pas, puisqu'elle reste à la radio, mais les écrits restent. Alors, on a un site, un blog, où vous pouvez, alors c'est bien, on perd la plupart des textes, c'est comme ça, le blog, c'est lesécrivains.canalblog.com, de l'Union des écrivains vosgiens, et c'est lui que vous trouviez. Vous vous adressez à Guillaume ou à Léa ou à Guillaume, qui sont vos références, pour leur donner leur envoyer les textes. Ou on a aussi un WhatsApp où on communique, on communique beaucoup. Donc voilà, si vous pouviez ne pas perdre tous vos beaux textes, ils s'envolent, mais enfin, c'est comme ça. Voilà, et merci en tout cas à Léa, et merci à Guillaume, et merci aussi à Christine, qui a animé, et merci à vous. Merci à vous. Merci à toi, Alain. Et puis, comme toujours, merci au tiers-lieu d'exister. Donc, petit rappel, donc ici, donc, le tiers-lieu qui s'appelle Ailleurs est un tiers-lieu dans lequel il se passe plein de choses. Il y a des soirées, débats parfois, des projections de films, il y a des ateliers en tout genre, il y a de l'atelier couture, il y a maintenant du FLE, français langue étrangère, si vous connaissez des gens que ça intéresse. Il y a des ateliers de discussion en anglais, en espagnol, pour pouvoir pratiquer la langue. Il y a le café associatif 3ème Rive, qui d'habitude les mercredis soirs est aussi ouvert en accès libre. Vous pouvez venir discuter, échanger, faire un jeu de société, bouquiner, faire plein de choses. Et les samedis après-midi également, de 14 à 19h, c'est ça, tout l'après-midi. Donc voilà, n'hésitez pas, ceux qui ne connaissaient pas le lieu, à passer de temps en temps, à regarder ce qui se passe. Il se passe plein de choses, et si vous avez même des idées, si vous faites partie d'une association qui a envie de profiter du lieu pour organiser des choses neuves ou en coopération avec d'autres, vous êtes tous les bienvenus. Voilà. Et donc merci à 3ème Rive et au tiers-lieu Ailleurs de nous accueillir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et... Bonsoir, c'était donc la deuxième scène ouverte qui a eu lieu le 25 janvier et ceci en attendant la prochaine, le 23 février, qui sera la troisième scène ouverte. Venez avec vos textes, vos poèmes, vos slams, vos contes, venez clamer, venez déclamer. Nous vous attendons à bientôt au café 3ème Rive, café Ailleurs, 15 rue du Maréchal Lyautey. Pas loin des quatre nations. À bientôt.